Gagnino. Bonsoir chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans ce journal en français dont voici les titres. La jeunesse affiliée aux partis politiques fait face au manque de confiance et d'avoir des idées fortes de la part de leurs leaders. Observation du politologue Denis Banchimioussa. La flambée des prix des produits pharmaceutiques est due à la rareté des devises. Confirmation des acheteurs et les pharmaciens résidant à mairie de Bujumbura. Vous l'entendrez dans ce journal. Et la production de manioc a diminué dans la commune Kayogoro en province de Makamba. En bas suite à la maladie appelée mosaïque. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga, la présentation. Albert Ndouaïo assure la mise en onde. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page Santé. Une enquête 10 steps commanditée par le ministère de la Santé sera menée pour des recherches sur les grands facteurs de risque des maladies non transmissibles, à savoir le tabagisme et l'usage nocif de l'alcoolisme. Propos du docteur Jean Dodieu, Javier Lima, un adjoint du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, tout en indiquant qu'avec l'appui des partenaires, le centre Aluma a été mis en place en mairie de Bujumbura dans le but de prendre en charge des personnes souffrant des maladies liées à la consommation abusive de l'alcool et autres. Il le dit au moment où des habitants de la zone Buterere en mairie de Bujumbura ont demandé l'interdiction de la commercialisation des boissons communément appelées Bangala, lesquelles ont des effets néfastes sur les consommateurs. Suivez les propos recueillis par Ornella Mucho. La première des choses qui a été faite, c'est d'inclure l'alcool et ses méfaits au niveau du code de l'offre de soins, au niveau du ministère de la Santé. Cela peut sortir au niveau de l'article que ça indose de ce code. Une autre chose, c'est qu'ici, au niveau du programme, à travers le service de prévention, se charge de la sensibilisation pour prévenir tout facteur de risque pour les maladies non transmissibles. Et parmi ces facteurs de risque, il y a l'alcool, il y a le tabagisme, il y a la sédentarité et tout consort. Aussi, c'est de mener des campagnes de sensibilisation chaque fois que les moyens le permettent auprès de la population pour leur expliquer les méfaits liés à l'alcool. Il y a un autre service qui est le service de suivi évaluation qui se charge de faire des recherches en collaboration avec les autres partenaires comme Ristebou, de faire des recherches sur le temps de consommation, sur les méfaits de consommation, que ce soit de l'alcool ou bien du tabac. Et je vous apprends que même bientôt, si les choses aillent très bien, on compte réaliser ce qu'on appelle l'enquête STEPS, qui est une enquête qui détermine les grands facteurs de risque dans la communauté pour ces maladies non transmissibles, le taux de prévalence du tabagisme, le taux de prévalence de l'alcoolisme. Et une autre chose, c'est qu'en collaboration avec nos partenaires, parce que je vous ai dit que l'alcool, c'est l'un des stupéfiants, bien que la production, la commercialisation et la consommation soient licites. Donc, il y a des effets qui sont liés à l'alcoolisme ou bien à des drogues, et on essaie de gérer ça par des services d'addictologie, de sevrage. Il y a des partenaires qui ont déjà commencé ça, la coopération suisse a financé des interventions à travers Aluma, là à Kamenge. Il y a des gens qui sont suivis pour des kills de désintoxication parce qu'ils ont consommé des drogues et de l'alcool. Les prix des médicaments montent du jour au jour, comme le confirment les acheteurs et les pharmaciens résidant à mairie de Bujumbura. Ils expliquent que cette flambée des prix de produits pharmaceutiques est due à la rareté des devises. Tous demandent au gouvernement de tout faire pour stabiliser les prix des médicaments ainsi que pour d'autres produits de première nécessité. Les détails avec Évariste Ndikobanyanga. Certains citadins qui s'approvisionnent dans des pharmacies de la mairie de Bujumbura confirme la flambée des prix des produits pharmaceutiques ces derniers jours. Cette femme qui soigne sa famille à 100% explique qu'elle n'arrivait pas à s'acheter tous les médicaments lui prescrits par le médecin faute de moyens. Ce n'est pas facile. Les prix des médicaments ont grimpé comme d'autres produits. Pour nous qui n'avons pas de mutualité, les prix sont chers, alors qu'on n'a pas les moyens. Un médecin peut nous prescrire des médicaments et ne pas être capable de les acheter au complet. Les pharmaciens, eux aussi, indiquent que les prix des médicaments ont sensiblement grimpé. Alexis Vidimana est parmi ces pharmaciens. Prenons Astaf comprimé. C'est un produit que beaucoup, les prescripteurs, les docteurs utilisent pour une ordonnance médicale. Astaf, au mois de février, le prix était de 35 000 francs. Mais maintenant, le prix A élevé jusqu'à 57 800. Vous comprenez, il y a une différence à peu près de 22 000 et plus. Également, il y a le produit Nasonex Cyprey. C'est un produit au mois de février. Le prix d'achat unitaire était à 42 000. Mais maintenant, le produit est... Ah oui, 50, plutôt 68 900. Vous comprenez une différence de 26 900. Et également, il y a aussi insuline stimulante. C'est un produit au mois d'avril. Il était à 20 000, le prix d'achat unitaire. Mais maintenant, nous l'achetons à 30 000. C'est une différence de 10 000. Ce qui est très difficile à expliquer aux clients qui viennent acheter les médicaments. Ce pharmacien explique que la raison de cette flambée des prix des médicaments est la rareté des devises. Dans ce commerce des produits pharmaceutiques, nous faisons les importations. Parce que nous achetons aux pharmacies grossistes. Ils font une importation à l'étranger. Et dans ce cas, ils utilisent donc dollar. Dans ce cas, au lieu d'approvisionnement, si donc la valeur du dollar a monté, aussi vous comprenez que état acheteur, nous allons trouver le prix monté aussi. Que ce soit les acheteurs de médicaments, que ce soit les pharmaciens, tous demandent au gouvernement de stabiliser les prix des produits de première nécessité, les médicaments y compris. Page éducation, les parents dont leurs enfants participent dans les activités organisées pour le camp d'été dans les communes Murutai et Kabarole de la province Kayanza disent se réjouir de l'encadrement de leurs enfants. Ces enfants aussi, de leur côté, apprécient que via les activités liées au creusement des fosses anti-érosives, ils contribuent dans la protection de l'environnement. Sylvain Bakanibona, conseil socio-culturel du gouverneur en province Kayanza, appelle les parents et les administratifs à la sensibilisation pour que des élèves en vacances participent massivement aux activités du camp d'été organisé à leur intention. Patrick Sengiumv. Les activités du camp d'été organisé pour les enfants en vacances en province Kayanza sont composées essentiellement par le traçage des fosses anti-érosives, de l'aménagement des routes et de la fabrication des briques pour la construction des maisons des personnes âgées et d'autres personnes en situation de vulnérabilité. D'après Bakanibona Sylvain, conseiller socio-culturel du gouverneur en province Kayanza, les parents d'élèves dont leurs enfants participent dans ces activités du camp d'été contactés nous ont fait savoir que ces activités contribuent beaucoup dans l'encadrement de ces enfants, ce qui les empêche, d'après eux, de se lancer dans des mauvaises pratiques. Les enfants qui participent dans le camp d'été dans les communes Murute et Kabarole en province Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont indiqué qu'ils se réjouissent beaucoup de leur participation dans la protection de l'environnement et surtout dans la lutte contre l'érosion du sol. Bakanibona Sylvain, conseiller socio-culturel du gouverneur en province Kayanza, indique que les enfants en vacances, s'ils ne sont pas bien encadrés, pourront se lancer dans des mauvaises pratiques telles que la consommation de stupéfiants et le vagabondage sexuel. Cette autorité administrative et provinciale à Kayanza appelle les parents d'élèves en vacances et les administratifs à la base à contribuer à mener des sensibilisations auprès d'élèves en vacances pour qu'ils participent massivement aux différentes activités organisées par l'administration à leur intérieur. Ces activités du camp d'été prendront fin avec le mois de juillet pour permettre aux participants d'exercer de petites activités génératrices de revenus, selon le conseil socio-culturel du gouverneur en province Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Isanganiro, le journal en français continue, page politique. La jeunesse affiliée au parti politique fait face au manque de confiance d'avoir des idées fortes de la part de leur leader. Observation du politologue Denis Banchimioussa ce vendredi lors d'une conférence débat organisée par l'Université du Lac Tanganyika. Ce politologue estime en outre que cette jeunesse manque également de l'estime de soi, ce qui l'affaiblisse à accéder au poste de prise de décision. Suivez-le. Le premier obstacle, c'est le vide juridique ou l'absence de base légale. Pour les jeunes, c'est compliqué. Il n'y a aucune loi qui aux partis politiques d'intégrer les jeunes dans leurs organes de décision à un pourcentage déterminé. Les aînés politiques préfèrent se servir d'abord parce qu'une charité bien ordonnée ne commence pas par les autres. Ce sont les préjugés ou la tradition. Les jeunes sont assimilés aux enfants. Ils sont immatures, ils sont violents et ils posent des actes irréfléchis. Ce sont les considérations que l'on donne aux jeunes. Les adultes auront donc tendance à ignorer les jeunes, à se méfier d'eux, à verrouiller les portes d'accès aux organes de prise de décision des partis. Les jeunes sont des gens inexpérimentés en politique. Les jeunes qui ont de l'expérience et qui sont éligibles pour occuper les positions de décision sont rares. Mais des aînés politiques. J'ai dit se servir d'abord. Eh bien, nos partis politiques sont gérés presque de manière autoritaire. C'est-à-dire, vous devenez président du parti, eh bien, votre parti, c'est votre propriété. Lorsque vous faites cela au sein d'un parti politique, les jeunes sont là. Ils sont en train de suivre ce comportement. Et bientôt, ils risquent de faire la même chose. C'est ça le danger. Les jeunes n'ont pas la place qu'il faut au sein de leur parti politique respectif. Ils n'ont pas droit au chapitre et par conséquent n'ont pas de place dans les instances de prise de décision du parti. C'était Denis Banchimiwusa, politologue. La production de manioc a diminué dans la commune de Kayogoro en province de Makamba suite à la maladie appelée mosaïque. Un exemple donné, un des agriculteurs révèle qu'il récolte moins de 500 kg par un demi-hectare alors qu'auparavant, le rendement était d'une tonne de manioc par un quart d'un hectare. Des agriculteurs qui l'annoncent demandent une autre variété de manioc saine ou tolérante aux maladies. Le chef de la production et protection végétale au bureau provincial de l'élevage, agriculture et environnement demande à l'État de financer l'Institut de sciences agronomiques du Burundi pour chercher d'autres variétés résistantes aux maladies. Élisée Kwizera. Selon certains des agriculteurs de manioc dans la commune Kayogoro, en province de Makamba, la production de manioc a diminué suite à la mosaïque. Un des agriculteurs révèle que la récolte est actuellement d'au moins de 500 kg par un demi-hectare, alors qu'auparavant, le rendement était d'une tonne par un quart d'un hectare. Seules les boutures de manioc dites Ousegenya restent trouvables au cas où celles-ci aussi ne sont plus rentables dans certaines localités. Ils déplorent qu'ils voient des associations opérant dans le secteur de cette culture, inscrivant certains des agriculteurs sans en être au courant et craignent de ne pas trouver des boutures saines et demandent aux institutions habilitées de leur venir en aide pour trouver des boutures saines ou tolérantes aux maladies. Le chef de service de production et protection végétale au bureau provincial de l'élevage, l'agriculture et l'environnement dans cette province, Charles Rajayandi, signale que la production de manioc a diminué en raison de la mosaïque et la citrouille brune et par conséquent, certains des agriculteurs ont déjà abandonné la culture de manioc en faveur de celle de maïs. Il demande à l'État de financer l'Institut de sciences agronomiques au Burundi, ISABU, afin que celui-ci trouve une variété de manioc saine ou résistante aux maladies et aux agriculteurs. Il les conseille de s'organiser en association ou coopérative car les organisations œuvrant dans ce secteur ne financent que des gens en association en fonction de leurs projets. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci à Élisée Kwizera. Quittons la province Makamba pour nous rendre dans la province de Kirundo où les femmes de la colline Chororo de la commune Vumbi disent que l'on manque de freiner leurs efforts à consacrer dans les travaux ménagers car elles parcourent de longs trajet de plus d'un kilomètre à la recherche d'eau potable. Elles demandent d'être approvisionnées en eau potable et l'ont soulevé au cours des activités organisées par l'organisation Agatotoku Mukenyedi qui apportait un appui aux ménages vulnérables de la commune Vumbi. Eric Ndoyezu, le chef de cabinet du gouverneur de Kirundo, indique que l'organisation Amazi Wota planifie de leur fournir de l'eau potable. Le point avec Agnès Naumagadze. Ces activités ont été organisées dans le but d'apporter un appui aux ménages vulnérables de la commune Vumbi à travers une distribution du matériel pour faire l'hygiène et l'assainissement au niveau de leur ménage et des serviettes hygiéniques pour les femmes, comme l'indique Dusenge Annick, représentante de cette organisation dans ces activités. Les femmes de la colline Chororo disent que le manque d'eau fraîche leurs efforts à consacrer dans les travaux ménagers sur le fait qu'elles fassent un trajet de plus d'un kilomètre à la recherche d'eau potable. Elles ont aussi souligné qu'elles n'ont pas assez de moyens pour acheter un bidon de 20 litres pour 500 francs dans leur localité. Ces femmes continue à mentionner qu'en période de menstruation, elles éprouvent des difficultés à vaquer aux activités champêtres, étant dans de telles conditions de manque d'eau. Elles demandent d'être approvisionnées en eau potable pour éviter les maladies liées aux mains sales. Eric Ndouayezou, le chef de cabinet du gouverneur, indique que l'organisation Amadi Wota planifie la fourniture d'eau potable dans cette localité car l'insuffisance d'hygiène peut causer les maladies et par conséquent freiner l'implication de ces ménages dans les activités de développement. Depuis Kirundo, Agnès Naomagadze pour la radio Isanganiro. Merci à Agnès Naomagadze. Juste à côté de la province de Muyinga, certaines femmes ayant été formées à la maçonnerie en le faisant saluent l'étape qu'elles ont déjà franchie au niveau de leur développement socio-économique au moment où cette femme vient d'être certifiée comme maçon dans la province. Elles expliquent que cette formation leur a donné les moyens requis pour embrasser ce métier qui était réservé aux hommes. Les formateurs expliquent qu'ils ont mis en place cette formation dans l'objectif d'enlever les barrières qui empêchent les femmes à exercer ce métier. Christian Savier, reportage. On est à Moussave, Yangé, commune Ouvinza, au nord du Burundi, en province Muyinga, sur un chantier où les femmes et les hommes travaillent ensemble pour bâtir un centre de santé. Chacune de ces femmes qui chantent vient fraîchement de décrocher un certificat qui atteste qu'elles ont suivi une formation qui les permet de passer d'un simple ouvrière à des maçons formés et vont par la suite recevoir un salaire double. Une des jeunes filles formées affiche son sentiment de joie. Ce certificat que je viens d'obtenir va m'aider à décrocher du travail. Je suis très contente de passer d'une simple aide-maçon et devenir un vrai maçon. Avant, on me payait 5 000. Les femmes travaillant sur des chantiers peuvent rencontrer des barrières liées, des fois par la culture burundaise. Comme nous le dit Mme Pauline Ebandinganye, elle est du projet Prodeci qui a organisé la formation. Après avoir fait une enquête sur les chantiers, en demandant, en faisant des focus group pour savoir pourquoi. Pourquoi il y a moins de femmes au niveau, que ce soit au niveau des aides-maçons, et même zéro pour les postes qualifiés. Après cette enquête, on a trouvé qu'il y a des entraves, entre autres le manque du matériel, entre autres le manque des frais pour l'achat de chèvres, pour les cérémonies de partage de la chèvre. Elle nous disait qu'elle manquait de l'argent pour acheter ses chèvres. Mais aussi, elle disait qu'elles ont peur d'être harcelées sexuellement. On a essayé de trouver des solutions face à tous ces obstacles. Nous venons de donner même un kit d'accompagnement pour qu'elles puissent participer sur d'autres chantiers en ayant le matériel. Nous avons des filles formées et nous avons certifié les filles et les femmes qui sont capables et nous espérons qu'elles vont avoir d'emploi sur d'autres chantiers. Ce chantier a certifié cette femme. Et d'autres chantiers pareils, comme le CDS Kabingo, 5 de l'Ecofo Gakongo, 2 de l'Ecofo Kinanira, 5 de l'Ecofo Mangona, 7 de CDS Ngoyoyo, au total 31 femmes. Merci à Christian Savier pour son reportage. Et bien voilà, c'est sur cette nouvelle que nous mettons un point final à ce journal. Juste après ce journal, vous aurez droit à leur vie de presse. Gardez l'écoute. Au revoir. Bonjour ou bonsoir. Les hôpitaux des districts sanitaires ont besoin urgent des véhicules d'approvisionnement, rapporte l'agence burundaise de presse en référence au district sanitaire de la province sanitaire de Rutana. Selon le docteur Colin Kadze, médecin directeur du Bureau provincial de la santé, cité par notre confrère de l'ABP, les hôpitaux des districts sanitaires se trouvant dans la province sanitaire de Rutana connaissent un manque de véhicules et d'approvisionnement. Il s'exprimait dans un atelier de validation du plan de travail et budget annuel pour l'année budgétaire 2024-2025 organisé le 24 juillet de cette année. Il a précisé également qu'il y a longtemps que les hôpitaux des districts sanitaires de Rutana et Gihofi ont reçu des véhicules d'approvisionnement et a regretté que ces derniers sont en mauvais état, ce qui entraîne beaucoup de dépenses pour leur entretien. Tout en soulignant que cette question sera adressée au ministère sectoriel, il a appelé les partenaires du ministère de la Santé à intervenir, conclut l'agence burundaise de presse. Quand les chargés de la sécurité du marché deviennent les profiteurs, rapporte Iwachu. En effet, Eki Iwachu, certains gardiens du marché de Kamenge situé dans la commune urbaine de Nahangwa remplaceraient les cadenas des stands de certains commerçants en utilisant des clés contrefaites afin de leur demander de l'argent selon ceux qui se sont entretenus avec notre confrère d'Iwachu. Ces gardiens accuseraient ces commerçants de ne pas verrouiller les cadenas des stands. Iwachu souligne qu'ils demandent un suivi rigoureux des activités de gardiennage et une justice équitable pour éviter de tels conflits. Interrogé à ce sujet, poursuit ce journal, Eric Ilan-Fachar, le chef des gardiens, nie ces accusations. Tout en reconnaissant être au courant de ces conflits, le commissaire du marché invite ses commerçants à déposer plainte en cas de conflit avec le personnel de gardiennage en expliquant que personne ne l'a déjà fait et conclut ce journal. Revue de la presse. Parlant toujours de l'économie, Burundi Echo regrette que le prix de la viande monte de fil en aiguille. Le mois dernier illustre cet hebdomadaire socio-économique. Un kilogramme de viande de bœuf désossé ou mososo était vendu à 18 000 francs burundais, tandis que celui avec les os, Changa Changa, s'achetait à 17 000 francs burundais au marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion. Actuellement, le prix d'un kilo de viande désossée ou mososo est de 20 000 francs burundais, tandis que le kilo de viande avec os, changa changa, coûte 19 000 francs burundais. Notre confrère indique que les commerçants expliquent cela arguant, que le coût du transport est élevé en raison du manque de carburant au moment où la taxe imposée à l'abattoir pour les exercices budgétaires 2023 à 2024 et 2024 à 2025 n'a pas changé. Dans une correspondance datée du 31 janvier 2023, adressée au gouverneur des provinces et au maire de la ville de Bujumbura, appelle Burundi Echo, le ministre de l'Intérieur leur avait demandé que le prix de la viande soit uniforme dans toutes les provinces. Dans son sens, les autorités municipales avaient pris une décision de réduire le prix de la viande de bœuf. Le prix du kilogramme de viande sans os avait été fixé à 11 000 francs burundais, tandis que celui de la viande avec os avait été établi à 10 000 francs burundais. Les consommateurs souhaitent que cette mesure soit respectée, conclut Burundi Echo. Le budget des écoles à internat revu à la hausse révèle Net Press. Alors qu'il était en réunion dans la capitale politique Gitega avec les responsables scolaires dans les provinces, le ministre ayant l'éducation dans ses attributions, François Havyarimana, a fait une très bonne annonce pour les élèves internes à partir de l'année scolaire prochaine, indique Net Press. Tout d'abord, précise Net Press, les élèves qui étaient au nombre de 29 700 cette année scolaire atteindront un effectif de 35 000 élèves à partir de l'année scolaire prochaine. En outre, la ration d'un élève sera revue à la hausse, passant de 1 400 francs burundais à 2 000 francs burundais. Le budget alloué au ministère de tutelle est passé de 15 milliards cette année à 20 milliards pour l'année scolaire prochaine, conclut Net Press. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Médiatrice Indikoumana en collaboration avec Jean de Dieu, il a causé. À la prochaine. Revue de la presse.